Dans un éditorial du Monde diplomatique daté de février 2008, vous mettiez déjà en garde contre un possible crash. Pourriez-vous nous dire en quelques phrases le contenu de votre nouvel ouvrage qui s'intitule « Le crash parfait ». Voilà. Donc effectivement, dans un édito du Monde diplomatique, hein, donc il y a plus d'un an, qui était intitulé « Le crack 2008 ». Voilà, avec un point d'interrogation. Malheureusement, il faut dire que le point d'interrogation était de trop, oui. Puisque le crack s'est produit en septembre-octobre de l'année 2008, et on est encore donc maintenant bien plongé dans une crise. Alors là, je viens de publier un livre qui est une analyse de la crise dans laquelle nous nous trouvons, qui s'intitule « Le crack parfait ». Hein, c'est édité par Galilée. Pourquoi est-ce que ça s'appelle « Le crack parfait » J'essaie de comparer, d'utiliser l'expression, comme on dit, une tempête parfaite, vous voyez ? C'est-à-dire, c'est pas forcément, ou comme on dit, un crime parfait. Hein. C'est-à-dire que c'est une sorte d'oxymore où vous avez à la fois quelque chose qui est terrible, hein, la crise, mais qui se présente avec les attributs de la perfection. Pourquoi ? Parce que peut-être que dans l'histoire économique moderne, et l'histoire du capitalisme en particulier, depuis deux siècles, on n'a pas vu une crise qui rassemble autant d'éléments que celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a une conjonction d'éléments qui ne se trouvent réunis que très rarement. Peut-être même que jusqu'à présent, on ne les a jamais réunis, on ne les a jamais trouvés réunis. D'une part, le fait qu'il y ait un enchevêtrement de crises, c'est-à-dire qu'il y a la crise climatique, que nous connaissons bien, qu'il y a la crise énergétique, hein, la fin du pétrole, le passage aux énergies renouvelables, la crise alimentaire, c'est-à-dire le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de la faim et il y a une augmentation généralisée des prix des aliments. Et à ça est venue s'ajouter une crise qui est à la fois financière, économique. Tout ceci est global, mondial, ce qui n'était pas le cas. Cette crise est effectivement, donc, par ailleurs, une crise du système, c'est-à-dire c'est une crise financière, c'est une crise bancaire, c'est une crise des bourses, c'est une crise des autorités de régulation, c'est une crise des agences comptables, c'est-à-dire tous les éléments qui entrent dans le système économique sont en crise. La crise, par ailleurs, s'est transféré vers le système productif, c'est-à-dire c'est une crise industrielle. Nous voyons le nombre d'usines qui sont en train de fermer. Voilà, l'économie réelle. Et c'est une crise sociale parce que ça se traduit par une explosion du chômage à l'échelle mondiale. Hein. C'est-à-dire l'Organisation internationale du travail vient de publier un document dans lequel elle prévoit que le nombre de chômeurs dans le monde va augmenter, en cours de 2009, de 51 millions de travailleurs. Il y aura 51 millions de travailleurs au chômage. En plus, cette année, par rapport à l'année dernière, nous voyons d'ailleurs les statistiques du chômage gonfler un petit peu partout dans le monde développé. Donc, c'est à la fois une crise du système, une crise industrielle, sociale, qui devient politique maintenant. Il y a déjà des gouvernements qui sont tombés à cause de la crise. Le gouvernement islandais est tombé. Le gouvernement belge qui est tombé sur l'affaire Fortis. Donc quand tous ces éléments-là sont réunis, je crois qu'on peut parler de crise parfaite. C'est une crise parfaite. Et la perfection de cette crise est terrifiante. Alors, je crois que votre ouvrage s'axe sur deux grands axes, c'est-à-dire les causes. Et vous proposez une refondation, je crois, de l'économie. Est-ce que, c'est la question qu'on a envie de vous poser, est-ce que vous pensez qu'on peut, sans jouer sur les mots, est-ce qu'on peut réformer ou moraliser ou refonder le capitalisme, puisqu'on est dans une économie de type capitaliste ? Alors, disons, je pense que il faut tenir compte de l'efficacité de l'économie de marché. Hein ? La crise que nous vivons n'est pas la fin du capitalisme. Ce serait aller trop vite en besogne. C'est la fin d'une période de l'histoire du capitalisme, une période que nous avons appelée la période néolibérale, c'est-à-dire où le capitalisme lui-même a été piloté selon un logiciel qui était un logiciel de pilotage néolibéral. Ça se termine. D'ailleurs, cette crise-là, c'est la crise du néolibéralisme. Ce n'est pas forcément la crise du capitalisme. Mais comme c'est une crise extrêmement grave, extrêmement brutale, qui n'a même pas encore commencé. La crise est à peine débute, la crise démarre. La plupart des personnes qui nous écoutent, je dirais, n'ont pas encore perçu dans leur vie concrète les effets de cette crise. La crise, elle commence. Pour l'instant, elle frappe surtout les ouvriers. Les ouvriers d'usine, hein, ou de la construction, les ouvriers. Parce que ce sont eux les premiers qui perdent leur emploi. Hein. Mais elle ne frappe pas tous les salariés. Les services ne sont pas frappés de la même manière. Je dirais les fonctionnaires ne sont pas frappés, en tout cas pour l'instant. Beaucoup d'autres secteurs de l'économie ne sont pas encore frappés. Mais, et donc par conséquent, on n'a pas encore pris conscience de l'importance de cette crise. Mais tous les effets sont là pour que d'ici quelques mois, disons à l'orée de l'été, à l'automne prochain, les sociétés européennes dans leur ensemble eh bien, vont vivre en quelque sorte dans leur chair ce qui est en train de se passer. Et donc je dis, cette crise par son amplitude, elle pourrait provoquer, disons... elle pourrait affecter le capitalisme en tant que tel, l'économie de marché en tant que tel. Hein. Mais pour l'instant, ce n'est pas une crise du capitalisme. Alors, certains disent, entre autres le président Sarkozy, dit qu'il faut profiter de cette crise pour refonder le capitalisme. Hein. Le capitalisme sur de nouvelles bases, voilà ce que vous disiez, moraliser le capitalisme, etc. Bon, si vous voulez, le capitalisme a connu beaucoup de crises. Hein, le capitalisme moderne, hein, c'est-à-dire depuis Adam Smith, hein, c'est-à-dire depuis le XVIIIe siècle, le capitalisme a connu beaucoup de crises. Je dirais même que le capitalisme, certains nous disent, vit avec les crises. Les crises sont consubstantielles, voilà, ça, du capitalisme. Oui, c'est un fonctionnement naturel. De même que, si vous voulez, le corps humain vit avec des infections et réussit à survivre, sinon il meurt, hein, mais il survit à des infections, ou bien il se vaccine contre des infections, mais les infections sont naturelles et sont normales. Eh bien, certains disent, les crises sont naturelles et sont normales, elles font partie du capitalisme. Et à chaque fois, le capitalisme sort renforcé parce qu'il apprend à éviter ce type de crise. Alors, donc, il y a des partisans de réformer le capitalisme. Je suis tout de même plus pessimiste que ça, parce que je pense que cette crise-là, dans la mesure où, elle, au moment où nous parlons, elle n'est pas encore identifiée, c'est-à-dire que nous ignorons le type de virus qui a infecté le capitalisme, nous ignorons la nature de la maladie qui affecte le capitalisme, donc elle n'est pas simple à soigner. Cette maladie n'est pas simple à soigner. Et il est possible, effectivement, comme vous le suggérez dans votre question, il est possible que le malade périsse. Hein? C'est-à-dire que le capitalisme soit très affecté. Mais... Le risque de nous entraîner. Oui, évidemment, les conséquences seront terribles. Et donc, personne ne peut souhaiter un effondrement du système. Je pense cependant que la crise est suffisamment grave pour que on envisage des solutions qui, tout en maintenant l'énergie, si vous voulez, de l'économie de marché, permettent de construire une économie plus démocratique, plus juste, plus égalitaire, disons. Hein. Toutes les tentatives qui ont été faites jusqu'à présent de construire des économies sans marché, hein, il y en a eu au cours du XXe siècle, n'ont pas fonctionné. Hein. Donc, personnellement, je dirais qu'une économie sans marché je m'en méfie. Une économie de tout marché, c'est ce que nous avons connu jusqu'à présent. C'est-à-dire que le marché envahit tout, le marché totalitaire. Bon, ça s'effondre, ça s'effondre. Et puis, ça a été terrifiant. Ça a créé un monde de graves inégalités, un monde déprédateur, c'est-à-dire avec la nature, l'environnement, etc. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre le marché et l'État. Or, l'État revient largement en ce moment. L'État, la politique. Ce que nous pouvons voir en ouvrant tout simplement les yeux, c'est-à-dire en regardant son journal télévisé, eh bien, c'est que ce sont les politiques qui sont en première ligne et ce sont les financiers qui sont aujourd'hui en retrait, voire même qui sont accusés. Aujourd'hui, je veux dire, par exemple, les médias ne se gênent pas pour crier « haro sur les banquiers ». Hein, les citoyens eux-mêmes, disons, sont largement irrités parce que les États ont fait de gros efforts pour aider les banquiers, alors qu'on estime que les banquiers sont en grande partie, les banquiers, les financiers, les spéculateurs, etc., les boursicoteurs, sont largement responsables de la crise. Justement, sur ce texte-là, est-ce que c'est pas, si on se place dans comment sortir un petit peu de ça et dans le futur, si on se place dans le futur, dans la réflexion du futur, il y a un grand retour, là, ce que vous soulignez, de la pensée keynésienne, hein, de nos jours, les mêmes éditorialistes qui nous ont vendu l'école de Chicago, etc., nous vendent maintenant le retour au keynésianisme. Nous, on essaye généralement dans l'émission de penser un petit peu sortie du capitalisme. Et là, on aimerait vous entraîner dans vos réflexions sur justement le risque à simplement revenir un peu plus d'interventionnisme d'État, mais qui ne résoudrait pas l'injustice sociale qui existe, que ce soit au temps de Keynes. Enfin, Keynes n'était pas quelqu'un de gauche, etc. Donc. Voilà, Keynes était un démocrate et un travailliste, hein, quand même. Hein. C'était donc un social-démocrate. Hein. C'est lui qui est l'architecte de ce qu'on appelle les accords de Bretton Woods. Hein. Mais effectivement, ce n'était pas un révolutionnaire. Et c'était un adepte de l'économie de marché. Mais il entendait une économie de marché qui était articulée au capitalisme. Or, dans l'histoire du capitalisme, si vous voulez, le capitalisme a toujours fonctionné la main dans la main avec l'État. Hein. Il n'y a que deux périodes où le marché essaie de se débarrasser de l'État. Et c'est même de supprimer l'État. Voilà, hein. C'est-à-dire fait un coup d'État en quelque sorte et veut s'emparer du pouvoir. Ce sont les années qu'on vient de vivre. Il y a eu une petite période, la période dite libérale, à la fin du 19e siècle, où ça s'était déjà produit, et le triomphe du libre-échange, etc., où il y avait eu beaucoup de croissance également, mais une croissance qui avait conduit à une très grave crise, et puis qui a fini par provoquer la Première Guerre mondiale. Donc le fonctionnement de l'économie, on était revenu en quelque sorte à un keynésisme d'avant Keynes, c'est-à-dire où l'État régulait l'économie. Keynes avait essayé, pour sortir des effets de la crise des années 30, eh bien, avait essayé de revenir à l'État pour que l'État fasse des plans de relance qu'on est en train de voir actuellement, injecte des liquidités, etc., ce qu'on a appelé le New Deal aux États-Unis. Keynes était le penseur du New Deal. Bien. Et donc ces idées ont dominé l'économie jusque dans les années 70, mais à partir des années 70, c'est l'école de Chicago qui prend le dessus et ça devient la nouvelle religion économique, d'où nous sortons avec un marché terriblement arrogant, un marché qui s'auto-définissait en quelque sorte comme régulateur, auto-régulateur, n'avait pas besoin de régulation, pas besoin que quelqu'un lui fixe des normes, parce que le marché finalement savait se régler lui-même, et un marché qui a essayé à tout prix de réduire l'espace de l'État, le territoire de l'État. C'est-à-dire qu'on est arrivé à nous dire, comme on nous disait il n'y a pas si longtemps, que c'est le marché qui devait administrer les sociétés, régler les sociétés. Bon. Alors, donc, aujourd'hui, nous sommes devant ce choix face à cette crise qui va se traduire par une très grande souffrance sociale. Est-ce que, sur la base de cette souffrance, il est justifié, hein, il est politiquement justifié de dire ce système est un système trop inégalitaire, surtout qu'il l'est à l'échelle planétaire d'une façon totalement scandaleuse, hein. Je veux dire, il faut garder quelques chiffres en mémoire. Il faut, par exemple, si nous parlons des personnes qui ont du travail, qui ont un travail, hein, des personnes qui ont un travail, à l'échelle planétaire, les personnes qui travaillent, qui ont un travail pour lequel elles sont payées, c'est 1 milliard, non, c'est à peu près 3 milliards de personnes travaillent. Eh bien, sur ces 3 milliards de personnes, sur 6, hein, qui ont un travail, presque la moitié des personnes qui travaillent sont payées moins de 2 euros par jour. Hein. C'est-à-dire 1 milliard 400 millions de personnes gagnent en travaillant. Je ne parle pas de l'informel, je ne parle pas des gens qui ne travaillent pas, qui sont très nombreux. Et donc, par conséquent, c'est un système qui est profondément injuste. Ne parlons pas de la répartition des richesses à l'échelle planétaire. Hein, où, comme vous savez, il y a à peu près 7 personnes, non pas 7 entreprises, mais 7 personnes qui possèdent la richesse de 40% de l'humanité. Hein, l'équivalent de la... Bon. Donc, c'est un système profondément injuste et un système globalement géré par le capitalisme, qui est le seul mode économique en fonctionnement. Donc, le capitalisme est injuste, mais par ailleurs, comme je le disais à l'instant, c'est un fonctionnement économique qui a montré son efficacité. Hein. Et donc, tout le débat depuis que le capitalisme moderne est apparu, depuis le XVIIIe siècle, c'est comment faire en sorte d'utiliser l'énergie, la capacité à créer de la richesse du capitalisme, qui est sans égal, pour que les inégalités ne se développent pas, mais pour mieux les répartir. L'efficacité, enfin... Ouais. Parce que l'efficacité, je pense que c'est le fameux progrès technique, enfin, vous faites référence. Non, pas seulement, création de richesse réelle, création de richesse, c'est-à-dire le fait que, écoutez, regardez l'Europe occidentale, la pauvreté est moindre qu'il y a 30 ans ou qu'il y a 50 ans, etc. Mais la question, c'est, n'oubliez pas une chose, le socialisme est postérieur au capitalisme. D'abord, il y a le capitalisme, et le socialisme apparaît comme une revendication d'une meilleure distribution de la richesse. Donc la question qui nous est posée aujourd'hui, hein, comme elle était posée, comme Marx l'était posée, si vous voulez, hein, en 1830-1840, c'est comment mieux répartir, hein, d'une façon plus égalitaire, plus juste, plus démocratique, la richesse que le capitalisme produit. Quel type de capitalisme faut-il produire? Quel type d'économie faut-il produire? Quel type de socialisme? C'est une autre façon de le dire. Un socialisme où il y aurait de l'économie de marché, mais pas seulement de l'économie de marché, où il y aurait d'autres économies, hein, de l'économie administrée, de l'économie autogérée, etc., de l'économie de coopérative, etc. Il peut y avoir une autre économie où le marché ne soit pas tout, mais où le marché est une place. Et je crois que ce débat revient très fortement aujourd'hui. En tout cas, il est légitime de poser la question aujourd'hui. Merci. Merci.